L'année 2010 commence en force et vous avez décidé de tout de suite partir du bon pied et d'écouter la voix des guerriers. On est dans une édition spéciale, une édition avant UFC. Ce sera le UFC 108 qui va se dérouler demain, soit le 2 janvier 2010. Aujourd'hui, on est le 1er, évidemment, janvier 2010 et on fait l'émission tout de suite après la pesée. Donc, il est aux alentours de 19h30. Je suis accompagné, comme d'habitude, de l'homme nouvelle, Frédéric Garcia. Bonne année à toi. Salut Ken, ça va bien? Ça va très bien. Et évidemment, on souhaite la bonne année à tous nos fidèles auditeurs et surtout nos auditrices. Oui, surtout nos auditrices, faut pas les oublier. Elles sont tout aussi nombreuses que pulpeuses, me dit-on par ici. Alors, un UFC 108, je dirais peut-être pas une carte très profonde, peut-être qu'il manque un gros combat, mais honnêtement, je suis toujours... enflammé lorsqu'il était question de carte de MMA. C'est rare qu'on est déçu. Peut-être que sur papier, ben en fait, certainement que sur papier, c'est pas la meilleure carte de l'histoire. Mais tout de même, je pense que cette carte-là peut nous réserver des combats spectaculaires de combattants qu'on connaît, mais peut-être qu'ils sont pas dans le top 10 nécessairement de leur catégorie, mais qui sont en mesure de nous donner tout un spectacle. Et si on commençait, je vais vous nommer les combats qui vont commencer vraiment en sous-carte rapidement, puis ensuite on va passer à la grosse viande. Alors l'événement va commencer avec un affrontement entre John Garderson et Rafaelo Oliveira. Ça c'est dans la catégorie des 155 livres. Du côté d'Oliveira, c'est un Brésilien qui a une fiche de 9 victoires et 2 défaites, et Garderson a 22 victoires et 6 défaites. Il a gagné ses 3 derniers combats par soumission et ce sera son premier combat au sein du UFC. Mike Pyle, tant qu'à lui, dans la catégorie des 170 livres. Il s'entraîne avec extrême couture. 19 victoires et 6 défaites, ça c'est sa fiche. Avec 17 soumissions, c'est assez incroyable. D'ailleurs, il a soumis son dernier adversaire, Chris Wilson, par guillotine. Il va affronter Jake Ellenberger, 24 ans, de la Team Quest. 21 victoires, 5 défaites. Il a perdu son premier combat dans le UFC, mais par décision partagée. Je pense qu'il nous avait étonné lors de cet affrontement face à Carlos Condit. Et finalement, Mark Munoz, le Philippin-Américain, c'est son deuxième combat dans la catégorie des 185 livres. Il a remporté son premier face à Nick Catone. On se souvient tous de son terrible KO que Matt Hamill lui avait infligé dans la catégorie des 205 livres. Il a 6 victoires et 1 défaite. Il affronte Ryan Jensen, qui lui a 14 victoires et 5 défaites, dont 9 victoires par soumission. Dans le UFC, par contre, seulement qu'une victoire contre 3 défaites. Malheureusement, le vétéran Vladimir Matushenko ne pourra pas disputer son combat face à Steve Cantwell, car ce dernier, s'étant blessé, ne pourra disputer ce duel. Alors, on y va avec les combats qui vont être présentés sur Spike TV. Et évidemment, on va y aller avec un peu plus de commentaires sur ces combats-là. Alors, Spike TV vont nous présenter 2 combats comme à l'accoutumée, mais c'est une habitude qu'ils ont pris au courant de l'année 2009 et on est très content, je pense, qu'ils continuent cette tradition toute nouvelle, mais on espère qu'ils vont la conserver longtemps. Martin Kaplan qui affronte Jacob Volkmann, c'est dans la catégorie des 170 livres. Kaplan a 15 victoires pour 3 défaites. Il a perdu son dernier combat contre Paul Daly dans un combat, je pense, où Kaplan, s'il avait remporté ce duel-là, aurait probablement eu sa chance pour un affrontement face à Georges St-Pierre, ou en tout cas se serait rapproché dangereusement d'un affrontement face à Georges St-Pierre. Malheureusement pour lui, il avait perdu face à Paul Daly. Et là, son adversaire, c'est Jacob Volkmann, 9 victoires, 1 défaite. Et sa défaite, c'était dans son dernier combat face à Paulo Thiago, où tout de même, il nous avait relativement impressionné. Fred, est-ce que ce combat-là t'intéresse? Ben, il m'intéresse un peu parce que je te dirais qu'il y a une couple de mois, j'étais un amateur quand même de Martin Kaplan. J'aimais bien les aptitudes qu'il amenait à la cage. Je trouvais qu'il était assez versatile. Mais contre Paul Daly, il a pogné une débarque là, dans mon estime. Alors oui, j'étais intéressé quand même de voir comment Kaplan va revenir. C'est un gars qui a de l'air gentil en plus. Il a de l'air bien amicable. Amicable. Alors, je pense que j'ai hâte de voir Kaplan à l'œuvre. Je pense que c'est peut-être un match-up qui pourrait être dangereux pour lui, Volkmann, avec une bonne lutte. Je ne sais pas si Kaplan est assez fort, justement. Alors, ça va être un bon test pour voir Kaplan, que j'aimais bien il y a une couple de mois, là, pour voir si je m'étais trompé ou pas à son sujet. Alors, histoire à suivre. Et on a présente également un autre combat sur Spike TV. Ce sera un duel opposant Cole Meller de l'American Top Team. Il a 15 victoires pour 4 défaites. Il a 10 de ses 15 victoires, dis-je, acquises par voie de soumission. Il a perdu son dernier combat face à Efren Escudero. Et là, il sera opposé à Dan Lauzon, 21 ans, 12 victoires et 2 défaites sur une séquence, par contre, de 8 victoires consécutives. Alors, dans les deux cas, je pense qu'on a deux techniciens qui ont des bonnes aptitudes pour soumettre habituellement leur adversaire. Fred, est-ce que c'est le genre de duel qui t'intéresse, un duel de grappleur? Ouais, ben je pense que ça va être un bon duel, ça, de grappler, parce qu'en plus d'être des grapplers, c'est deux gars, je pense, qui sont agressifs au sol. Au sol, souvent, t'as des gars, je trouve, qui sont souvent en position plus de survie que d'attaque. Alors, ça, c'est deux gars que je considère qui aiment ça attaquer une fois au sol pour y aller pour finir son adversaire. Et les deux gars, je les aime bien. Je pense que je vais y aller avec Cole Meller pour une victoire. Il avait de l'air pompé pendant la pesée. Là. Il a envoyé une coupe de mots à Lausanne. Alors, moi, y aller avec Cole Meller qui va revenir sur le chemin de la victoire. Oui, d'autant plus qu'il est un peu plus expérimenté, peut-être pas en termes de combat, mais en termes d'âge, puisque Dan Lauzon n'est âgé que de 21 ans, le genou. Maintenant, Spike TV, c'est terminé. On y va sur la carte du pay-per-view dans la catégorie des poids lourds. Junior Dos Santos, qui s'entraîne avec les frères Nogueira, Anderson Silva. Il a 25 ans, 9 victoires, 1 défaite, ça c'est sa fiche. Au UFC, il a battu, entre autres, Fabricio Werdum dans son... Je pense son premier combat au UFC où il avait fait toute une surprise en remportant une victoire grâce à un uppercut sur Fabricio Werdum. Ensuite, il a disposé, en plus, debout par surcroît face à Mirko Krokop. Stéphane Struve y a goûté également. Est-ce que Junior Dos Santos va pouvoir continuer son ascension dans la catégorie des poids lourds du UFC? Son adversaire, c'est un vétéran de 33 ans. Gilbert Ivel, ça c'est son nom, 36 victoires, 13 défaites, un combat nul et un no contest. Il a 31 de ses 36 victoires par KO ou TKO. Alors évidemment, puissance de frappe dans le cas de Gilbert Ivel. Je me souviens, moi, d'un KO en tout début de combat dans les premières secondes face à Gary Goodridge où un coup de patte avait atteint la tempe de Goodridge et rapidement, le combat s'était terminé comme ça. Est-ce que Gilbert Ivel va pouvoir créer une surprise comme Dos Santos l'avait fait face à Fabricio Werdum, Fred? Ah, moi, je tente à pencher vers Dos Santos, vers ce combat-là. Puis en plus, m'admettre que j'étais pas un grand amateur au début de Dos Santos. Je pensais que son KO sur Werdum avait peut-être été chanceux. Après ça, je doutais de lui parce que je me disais qu'il avait battu un Stephen Struve qui est pas très bon. Mais là, avec 3 victoires de suite, là, il va falloir que je commence à y rendre crédit. Dos Santos, en plus de debout, il y a un bon test devant lui. Alors, si le combat reste debout, on va vraiment pouvoir voir si Dos Santos est aussi fort qu'on nous le vend, là, debout avec ses mains. Au sol, je pense que Dos Santos devrait être plus fort que Ivel. J'ai jamais vraiment vu Dos Santos à l'œuvre au sol, mais avec le fait qu'il s'entraîne avec les Nogueira, on va s'imaginer qu'il est plus fort que Ivel au sol. Alors, je vais y aller avec Dos Santos pour une victoire. Ivel a le stand-up pour sortir un KO, ça c'est sûr, là, mais Dos Santos devrait s'en sortir gagnant. Effectivement, je pense que si Dos Santos perd ce combat-là, ce serait une surprise. Mais quand même, Gilbert Ivel, c'est un vétéran, 8 ans de plus, il a 33 ans, il a affronté Wanderlei Silva dans le passé, il a affronté toutes sortes de combattants dans toutes sortes d'organisations, dans toutes sortes de circonstances. Il sera pas nécessairement effrayé par son aventure au UFC, Gilbert Ivel. Il est prêt pour ce genre de combat-là. Il est prêt pour un combat sur le pay-per-view. Il a affronté Josh Barnett dans un événement Affliction où il avait réussi à manger des coups alors que Barnett est en position montée sur lui pendant presque tout le combat jusqu'à temps qu'à un moment donné, l'arbitre inévitablement n'avait pas eu le choix d'arrêter le combat. Mais Ivel avait quand même réussi à bien faire face à Josh Barnett, qui est quand même dans les poids lourds, un des plus dangereux, surtout lorsqu'il est sur vous. Là, il peut vous soumettre de n'importe quelle manière. Il peut également vous frapper, vous faire très mal. Mais Gilbert Ivel s'était bien débrouillé. Alors, ce serait surprenant que Junior Dos Santos puisse faire mieux que Josh Barnett au sol, mais debout, effectivement. Dos Santos, moi, je pense qu'il a démontré une belle technique de boxe, surtout, et en plus, a dominé en position debout. Un gars comme Mirko Krokop, qui était un ancien excellent combattant en K1, qui, bon, désormais, on peut dire que de ce côté-là, ça va pas très bien pour lui, mais quand même, c'est un gars de calibre international debout et Santos avait quand même dominé ce combat-là dans cette phase du combat. Alors, on peut présumer que Dos Santos devrait remporter ce combat-là, mais moi, je pense que ça peut nous donner un combat fort spectaculaire qui devrait se terminer avant la limite. Oui, moi je vais te dire que j'ai beaucoup d'intérêt pour ce combat-là. Il y a trois combats, là, celui-là puis les deux derniers là que j'ai beaucoup d'intérêt. Tu disais au début que la carte manquait un peu de piquant, puis j'en avais écrit un peu à propos de ça il y a une couple de semaines. Je pense encore qu'elle manque peut-être un peu de piquant, mais la qualité est pas mauvaise. Il y a des bons combats, je pense, demain soir. Oui, puis je pense qu'une surprise, des KO qui peut arriver n'importe quand, ça peut se produire, surtout lorsqu'on parle du prochain combattant que je vais vous nommer, Dwayne Ludwig, 31 ans, 18 victoires, 9 défaites. Il a par contre perdu son dernier combat par Bulldog Choke face à Lyle Beerboom. C'était pas au UFC. C'est un retour, je pense, au UFC pour Dwayne Ludwig, le vétéran de 31 ans, qui quand même possède de bonnes qualités en pieds et poings. Son adversaire, c'est Jim Miller, 26 ans, 15 victoires et 2 défaites. Et là, je vous mentionne qu'on est dans la catégorie des 155 livres. Et Jim Miller, de ses 15 victoires, 9 se sont faites grâce à des soumissions. Il a perdu ses deux combats par décision face à des gars très bien classés dans les 155 livres du UFC, soit Frankie Edgar et Gray Maynard. Alors évidemment, Jim Miller devrait remporter ce combat-là. Mais avec les qualités debout de Dwayne Ludwig, tout peut quand même être possible. Oui, t'as bien décrit le combat. Moi, j'étais un peu déçu qu'on voit pas Sean Sherk. J'aurais aimé ça voir Sean Sherk revenir après sa défaite contre Frankie Edgar. Ça fait un petit bout qu'on ne l'a pas vu. Alors, mais ça devrait être un bon combat. Comme tu dis, Ludwig a des mains solides. Alors, ça pourrait être le KO de la soirée. On sait jamais. Maintenant, un autre habitué au combat de la soirée, c'est Sam Stout qui, à moult occasions, dans des événements du UFC, a remporté la palme du combat de la soirée face à Spencer Fisher, je pense, en deux occasions, face à, je pense également à une autre occasion là dont je ne me souviens plus malheureusement. Mais là, cette fois-ci, Sam Stout est opposé à Joe Lauzon. On est encore dans les 155 livres. Joe Lauzon, évidemment, c'est le frère aîné de Dan Lauzon dont on vous a parlé précédemment. Joe Lauzon, lui, est âgé de 25 ans. 18 victoires, 4 défaites, ça c'est sa fiche. Évidemment, à l'instar de son frère, a des qualités pour soumettre ses adversaires. D'ailleurs, il l'a fait à 14 reprises sur ses 18 victoires. Il n'a jamais fait de décision. Joe Lauzon a l'habitude de terminer ses combats. En fait, il a plus que l'habitude. Ses combats sont jamais terminés par décision. Et il a perdu contre Ivan Mangivar en 2005. Ivan Mangivar, qui est un Québécois d'origine salvadorienne. Sam Stout a 25 ans, donc le même âge que son adversaire Joe Lauzon. Il s'entraîne avec Sean Tompkins, d'ailleurs, je pense que c'est son beau-frère. 14 victoires, 5 défaites, la fiche de Sam Stout. 8 de ses victoires se sont rendues à la décision. Alors Sam Stout a l'habitude de combats dont on s'échange coup pour coup. Également des transitions spectaculaires. Sam Stout risque pas de soumettre Joe Lauzon à moins vraiment d'une surprise, mais est capable de se tirer de positions périlleuses et de faire un combat, de ce combat-là excitant avec plein de renversements. Et ça, je pense, ça peut nous donner un combat très intéressant. Alors, qu'est-ce que tu penses de cet affrontement-là entre le Canadien Sam Stout et l'Américain Joe Lauzon? Ah, t'as raison, ça devrait être un excellent combat. Moi, je vais revenir à ce que j'ai dit tantôt. J'aime bien les gars qui ont un jiu-jitsu agressif. Puis Lauzon, il est assez agressif. Il cherche toujours la soumission. Alors, et Sam Stout a beaucoup d'énergie dans la cage. Et c'est pas le gars qui... C'est très rare. Je me rappelle pas de combat vraiment plate de sa part. Alors, ça devrait donner un bon duel. Ça pourrait peut-être finir vite, un KO rapide, une soumission rapide, ou peut-être ça va durer longtemps, on ne sait pas, comme tu dis, beaucoup d'inconnus, puis sans que ça soit des gros noms, ça devrait être un excellent combat. Effectivement, ça, c'est, j'aime bien ton point. Beaucoup d'inconnus, ces genres de combats, parce que les deux gars ont des qualités tellement différentes que tout peut à peu près se produire dans ce duel-là. Maintenant, dans les 170 livres, on a Dustin Hazlett qui affronte Paul Daly, le nouveau venu au UFC, qui a déjà quand même fait un combat pour l'organisation. Il avait d'ailleurs battu Martin Capman, comme on l'a dit tout à l'heure. Paul Daly, c'est un Anglais de 26 ans. Il a 22 victoires, 8 défaites et 2 combats nuls. 17 de ses 22 victoires grâce à des KO ou TKO. Alors, évidemment, Paul Daly, d'ailleurs, je pense que Martin Kamen y avait goûté. C'est un gars extrêmement dangereux debout. Malgré sa petite taille, 5 pieds et 9 dans les 170 livres, il n'y a pas une portée qui l'avantage nécessairement. Mais, par contre, est très athlétique et aussi bien les pieds que les mains peuvent faire mal à ses adversaires. Voyons voir ce qu'il va le faire face à Dustin Hazlett, qui est un as au sol, qui réalise des soumissions bien souvent très spectaculaires, dont l'une, je pense qu'on se souvient un peu pratiquement tous, face à Tamdam McCrary en 2008. C'est d'ailleurs une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien sous Jorge Gargel. 23 ans seulement, Dustin Hazlett. C'est un gars qui, je pense, qui a encore une marge de progression intéressante. Et s'il veut se rendre plus loin, c'est le genre d'adversaire, Paul Daly, que Dustin Hazlett doit se débarrasser. Oui, ben tu vois, moi j'ai beaucoup d'intérêt pour ce combat-là, simplement parce que je suis un amateur de Dustin Hazlett. Il a sorti tellement de belles soumissions à date dans sa carrière que je suis devenu un amateur. Puis en plus de ça, ça doit être le gars qui a à peu près le physique qui me ressemble le plus, le point de vue muscle. Ça doit être à peu près le plus proche de moi dans l'UFC. Alors, Dustin Hazlett, c'est un gars que j'aime bien. Puis, je vais y aller pour une soumission sur Paul Daly. Comme j'ai dit dimanche, je vais m'aventurer. Je vais dire soumission en dedans de 90 secondes. Dustin Hazlett trouve une façon. Mais il y a toujours la possibilité aussi que Daly le mette KO en dedans de 90 secondes parce que Daly a d'excellentes mains. Mais non, je m'aventure avec Dustin Hazlett sans peur. Alors, on vous a pas nécessairement beaucoup parlé de la pesée parce qu'il s'est pas passé quelque chose de dramatique lors de cette pesée-là. Sinon, bon, Cole Miller qui a fait un petit spectacle dont Fred nous a mentionné tout à l'heure, mais rien de trop grave, je pense. Et il y a Paul Daly également qu'il faut rajouter qu'il n'a pas fait le poids jusqu'à maintenant, mais il y a quelques minutes pour se rattraper. Il était à 172, alors il a pratiquement un petit peu moins d'une livre à perdre, là. Même si le combat est pour 170 livres, à 171, on accepte. C'est une question de temps. Je pense qu'il n'y aura pas de problème pour Paul Daly. Ben, quand penser qu'il pourrait perdre 20% de son argent, moi, j'irais courir dans le sauna un peu pour le perdre. Effectivement. Maintenant, il nous reste seulement qu'un combat. C'est presque déjà terminé pour notre première émission spéciale de 2010. C'est le combat final, qui est relativement intéressant, par contre, celui-là. Rashad Evans, un ancien champion des 205 livres, qui affronte Thiago Silva. Les deux n'ont qu'une seule défaite à leur fiche. C'était dans les deux cas, Lyoto Machida qui avait réussi à les vaincre. Alors, Rashad Evans, une fiche de 13 victoires, une défaite et un combat nul. Son combat nul, c'était face à Tito Ortiz. Il est âgé de 30 ans, s'entraîne sous Greg Jackson notamment, donc un partenaire de Georges St-Pierre, Nate Marquardt et également Keith Jardine. Keith Jardine qui est la dernière victime de Thiago Silva. Thiago Silva a 14 victoires, une défaite évidemment comme on l'a dit tout à l'heure. C'est Machida qui l'avait mis KO, comme Machida avait réalisé également la même manière sur Rashad Evans. Alors, est-ce que Rashad Evans pourra venger son partenaire d'entraînement, Keith Jardine? Tu vois, je vais commencer par dire, tu as dit au début relativement intéressant. Moi, je vais y aller à un niveau plus haut. Je pense que le combat est excellent. Puis en plus de ça, c'est deux gars que je suis pas plus amateur que ça. Mais je dois admettre que les deux gars, ils sont dans le top à 205 dans l'UFC. En tout cas, dans le top 10, c'est sûr, je pense, les deux. Et ça devrait nous offrir un excellent combat parce que Silva est agressif. Moi, Silva, je pense pas qu'il va offrir un combat plate. Puis ni Rashad Evans. Rashad aime ça échanger. Ça va être comme dimanche dernier. Moi, je vais y aller en me disant que je pense que Rashad devrait gagner. Mais je peux voir Thiago Silva sortir avec une victoire aussi. Ah oui. Je serais très surpris que Thiago Silva remporte ce duel-là. Rashad Evans devrait remporter ce combat-là. Il frappe, je pense, plus lourd. Et il a une mâchoire d'acier. On l'a vu en début de carrière, dans des poids lourds, affronter des gars beaucoup plus gros que lui, puis il était capable d'encaisser. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont réussi à l'ébranler, Rashad Evans. Il y a Lyoto Machida, mais Lyoto Machida a une force de frappe, mais surtout un timing. Et ce que Thiago Silva, je pense, c'est pas ce genre de qualité qu'il possède. Il a quand même une bonne force de frappe. Là, d'ailleurs, il nous l'a démontré face à Keith Jardine et dans quelques autres affrontements, puisque de ses 14 victoires, 11 sont suite à des KO ou TKO. Alors évidemment, il y a une force de frappe là. Mais je pense que j'ai confiance en la mâchoire de Rashad Evans et il y a une main arrière excessivement lourde, une bonne lutte également. Mais par contre, est-ce que son objectif sera d'amener le combat au sol? Peut-être que ce serait une bonne idée dans le cas de Rashad Evans, qui, de ce que j'ai pu voir quelque part, Fred, tu me corrigeras peut-être, je pense qu'il s'entraîne avec Renzo Gracie pour son sol. Ça se peut, j'ai pas remarqué, là. Tu m'apprends quelque chose. Ou peut-être que, écoutez, la dinde a été, farcie. Ouais. En tous les cas, puis je pense que Rashad Evans, c'est un gars maintenant qui est un vrai combattant de MMA. Non, mais ce que tu dis, ça se pourrait très bien parce que Georges St-Pierre va faire un tour souvent. Renzo, c'est à New York, c'est ça? Oui. Alors, ça se pourrait très bien. J'ai pas l'information exacte, mais ça se pourrait très bien que Rashad aille aussi avec à New York s'entraîner avec Renzo Gracie. Alors, un lutteur quand même, Rashad Evans, avec de grandes qualités, là, peut amener son adversaire au sol. Bon, Thiago Silva, évidemment, dangereux au sol, c'est une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Il s'entraîne avec l'American Top Team, dont bon, Ricardo Liborio est le fondateur et qui est également un des membres, je pense, premiers de la BTT, là, la fameuse Brazilian Top Team. Alors, Thiago Silva est très dangereux au sol également, mais Evans est tellement puissant que ce serait l'un des gars que, bon, en fait, il n'y en aurait pas un de la gang dont j'aimerais qu'il soit sur moi pendant que je suis au sol, là, mais Rashad Evans doit frapper furieusement, d'ailleurs. Souvenez-vous de son combat de championnat face à Forrest Griffin, où quand même Forrest Griffin, c'est un gars qui se défend bien au sol, mais Rashad Evans l'avait mis TKO avec des frappes percutantes. Tu vois, moi, une affaire j'aime beaucoup de Thiago Silva, je trouve que moi, j'aime bien regarder l'aspect mental des gars, puis je trouve qu'il a de l'air à avoir confiance en lui. Il y a des gars, des fois, que je trouve qui essayent de se convaincre. Je vais revenir souvent à l'exemple, là, un de mes préférés, BJ Penn, à l'UFC 94, quand il parlait de Georges St-Pierre, j'avais l'impression que BJ Penn, il essayait de se convaincre lui-même. Puis Thiago Silva, il me donne pas cette impression-là pantoute. Il m'a l'air d'un gars très confiant en lui. Alors, c'est pour ça que j'aime beaucoup Thiago Silva. T'as raison, il a peut-être pas les techniques les plus fluides ou les plus, si on veut, les plus belles. Mais c'est un gars avec beaucoup de détermination. Alors, c'est pour ça, m'a changé ma prédiction, m'a dit, je vois Thiago Silva l'emporter, mais peut-être que Rashad peut gagner. Ah, mais ça, c'est intéressant. On va suivre ça, évidemment, avec beaucoup d'attention parce que c'était un combat très important dans la catégorie des 205 livres. Celui qui va remporter ce duel-là, évidemment, va se diriger tranquillement, pas vite, vers un autre combat de championnat. Dans le cas de celui qui va perdre, écoutez, une défaite, ça peut faire très mal puisqu'il y a beaucoup maintenant de combattants très intéressants à 205 livres dans le UFC. Alors, une deuxième défaite, parce que c'est dans les deux cas, là, celui qui va perdre, ce sera sa deuxième défaite en carrière. Ça peut faire très mal. Moi, je pense que ce sera une victoire de Rashad Evans, mais c'est à suivre, évidemment. On est. Oui, vas-y, Fred. Si je peux juste finir avec un souhait pour 2010 et peut-être quelqu'un du TriStar nous écoute en disant que Rashad Evans va peut-être gagner, mériter une chance, regagner sa ceinture, mais devoir affronter John Jones assez vite. Effectivement, parce que John Jones, on l'a vu, puis hey, on parlait des gars à 205 livres très dangereux. Il y en a tellement, puis John Jones là, arrive rapidement, puis un gars avec autant de talent, on n'a pas vu ça. Je pense que dans toute catégorie confondue, là. Je pense que John Jones est peut-être le gars avec le plus de talent. Tu as mentionné, toi, à maintes reprises en 2009, lorsqu'on a fait nos émissions, José Aldo. Il y a beaucoup de gars, là. Je pense que le MMA va rentrer encore en 2010 dans une nouvelle ère. Puis des gars aussi talentueux que les Georges St-Pierre, John Jones, José Aldo, on va en voir de plus en plus. Ce sport-là ne peut que progresser, ne peut qu'être encore plus spectaculaire qu'il l'est déjà. C'est surprenant à dire parce que ce combat, ce sport-là est tellement intéressant déjà à suivre, mais je pense qu'il y a encore une marge de progression très intéressante et on vous invite à suivre ça évidemment sur mmanouvelle.com et également à La Voix des Guerriers. En attendant, vous avez encore quelques heures pour vous diriger sur mmanouvelle.com, aller sur le lien pour faire vos paris virtuels. C'est tout à fait gratuit. Alors, vous avez quelques combats sur lesquels vous pouvez miser des crédits virtuels, dont Rashad Evans et Thiago Silva, Gilbert Ivel face à Junior Dos Santos, Dustin Nazareth et Paul Daly, Joe Lauzon face à Sam Stout. Il y a, c'est tout pour ce UFC-là. Puis, il y a également un événement de la WEC qui va arriver très rapidement. On va vous en reparler dans une émission régulière de La Voix des Guerriers. Alors, de la part de toute l'équipe qui est très nombreuse, on vous souhaite bonne et joyeuse année et, évidemment, un bon UFC 108.